turangen teuf ñu and xeyeer yene kay yi nga xamne mom lañu xeyé do andigal jëfé ñu turami di Macky Sall niki dembo so Touba dañu ko gattalu comme ni nga xamne mom lañuy gattalo pour Serigne Seydil Mukhtar bëgg wa Touba defal lañ ko ko niki dembo directeur fo mo xey duñu ko xamal yene kay gi dala ko du ci mu ñu xamal lañ ñu turami di Macky Sall Touba jëmono ci de ko yëkëti ba sa kawa directeur fo ak lo solo ni mobilisation bu jaar yoon la wa Touba defal niki dembo Macky Sall Serigne bi mo leen ko sante Macky Sall la mu xamal Serigne Seydil Mukhtar moy ni nga ma terto moy firne la sama digënta ak yow amul ben ñagas bo xamantene jamono ci amna sa lamay sak moy ay ñaan ngir rew mi jëm sa kanam yene kay ki de la témoin mu ñu xamal lañu jutturemi di Macky Sall niki dembo sa Touba xamal na khalifa bi ne ko ñaar fukki fana ak juroom ñaar ci wéru décembre da nañu commencé autour Touba Thiessa yene kay ki ba tay Serigne Bassirou Abdou Khadir lamu xamal jutturemi di Macky Sall moy Serigne bi contane na ci yow big na ci yow ne assainissement bu am solo bo xamantene def nga ko ci Touba ne Touba da nañu amé ay jafé jafé ndox mo xamantene dafa doon bañ bañ ci néma ay inondation lolé ya ko fi jélé Serigne bi sant na la gëreum na la yene kay ki de la ko de ci ñu turemi di Macky Sall lamu xamle nak moy sénégalais yépp ñoo wara xolé ci doxine bi nga xamantene jëmono ji Touba mo ngi koy doxé journal bi de la témoin ñom ba légui ni ñoo ngi wax ci li nga xamantene moy francophonie bi Mamoudou Omar Ndiaye ki nga xamantene moy DMF ñom ñoo nga seug ci francophonie bi di sa wax ke jëk kaddu ga di DMF fone ma ci mëti fa lamu xamle moy ji turemi di Macky Sall jëmono ji bu ko nexé mu yëkëti loxom ci lu jëm ci walum organisation francophonie bi nga xamne mom lañu kenn né organisation bi mu jëm ci walum sécurité Ebola bi ak terrorisme bi ak lolé lepp Macky Sall genn na sa ak lu jëm ci walu mobilisation ak rew yi nga xamanteni participer nañu ci sommet mais lolé lepp Macky Sall de sa réussir rajamono ji su ko nexé mu yëkëti loxom ginnawam banda nga Mamoudou Omar Ndiaye lam ko xamal ak moy amna lo xamne moy ñuul ci sommet manam contre sommet bi nga xamanteni amon na ñu la di koy téré ak Abdoulaye Wade mi nga xamne wonañ ko dik lolé moy ñuul ci sommet yene kay gi de la sa mu ñu xamal ñu Aliou Sall ak Abdoulaye Wade jëmono ci ñongi ci Abdou Fante né sommation interpellative bi nga xamanteni jox nañu ko Abdoulaye Wade daf ko ñakkal fayda melni kuy ñaawal Aliou Sall libération kay mu ñu xamal lañu andiou ndiaje ku reuy la ay étudiant doon def fi nga xamne moy université de Cheikh Anta Diop Dakar di trafiquer ay diplôme yene kay gi di grand place ñu fekk fa Abdoulaye Daoud Thiall bëgg am moy gendarmerie ak ministère de l'intérieur manam ñom ñañu takalo way nak bañu ko yëgeeli wa gendarmerie lañu xamle moy andu ci tay andu ci ëlëk ke directeur fu ñu fekk fa Amadou Tidiane wona directeur cabinet Abdoulaye Wade lamu xamle moy ma jambal jaan bëggul Abdoulaye Wade ke Sénégal yi kañ lañu yéw ben way bo xamanteni dal dañu ko nax ay wuyo ki bandé ke nax mu waji Mamadou Tandiale tuddu comptable lycée d'excellence wu Tamba la nek kay dañu ko wo ci numéro expresso nako dafa am ben jeu bo xamne manam man nga fa gagner ben auto BMW dal nako nak pour nga participer ci fami il faut nga joxe lu tollu ci 200 000 mu gene 200 000 joxe ñu tok ay fan dal di koy wo nako gagner nga mbir mi war nga joxe lu tollu ci 150 000 ngir ñu muto auto bi mu contane ba joxe 200 000 ba mu ko joxe ñu lako war nga joxe yenen 200 000 ngir couverture médiatique bi nga xamanteni def nañ ko ci mu dal di genn wat te yenen 200 000 jox ko muy 600 000 fek ay woyo ki bandi ñoko nax dina ko jeu bobé ya gagner auto ba te gagner wul dara ba mu genné xaliss bi ba jox len ba jëmunu ci may wax ak yeen su len wowe du len jot limay lacc moy sénégalais senu bëgg ak senu yakamti lu ne man nañ ko ñak.